Hommage à des individus inspirants dans le domaine, c'est sûr, de la conscience. Donc, aujourd'hui, je vais viser à rendre hommage à des individus pour lesquels j'ai une gratitude, parce qu'ils m'ont inspiré à favoriser, dans le fond, l'émergence en moi d'idées, nouvelles. Donc, des gens qui, favorisent et participent à l'émergence, à la surface de la Terre d'une conscience nouvelle. Et cette idée de faire un hommage à des individus que je trouve inspirants vient entre autres de l'hommage que j'ai écouté récemment qui a été fait à Jean Cazot. En fait, j'ai écouté l'enregistrement de l'émission Ésotériste expérimentale de Richard Glenn. Et pour les gens qui ne l'ont pas fait, là, que si vous voulez l'entendre, vous pouvez cliquer sur le lien en bas de l'enregistrement présent. Donc, je vous présente le lien YouTube. Et ça dure un peu plus d'une heure, mais Richard a fait une très belle synthèse là, des principaux moments par rapport à l'événement et à travers cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y voit entre autres Jean Cazot qui parle. Et ça m'a touché. J'ai écouté ça, puis j'ai même versé quelques larmes. Ça m'a ému parce que je trouve ça extrêmement beau que des gens se soient réunis cet automne pour rendre hommage à Jean Cazot. Et aujourd'hui, j'avais le goût d'y rendre également hommage pour sa contribution. Donc, c'est sûr que Jean Cazot, c'est un auteur extrêmement prolifique. Il a publié au-dessus d'une vingtaine de livres, entre autres dans le domaine de l'ufologie et de la métaphysique. Il a fait aussi de l'animation radio. Également, il a réalisé de nombreuses conférences au fil du temps. Donc, Jean Cazot, entre autres dans le domaine de l'ufologie, c'est une des figures marquantes ici au Québec. Et ce qui est admirable chez lui, c'est sa persévérance. C'est-à-dire qu'au fil du temps, pendant un peu plus de 50 ans, il a commencé à 16 ans, il a commencé jeune, eh bien, il a diffusé de l'information au public par rapport à l'ufologie. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs décennies, il n'y avait rien, il n'y avait pas Internet, et c'était très rare les gens qui acceptaient de parler publiquement d'ufologie, que ce soit à travers des émissions ou des livres, parce que il y avait des moqueries. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a encore, mais tranquillement, les mentalités sont en train de changer là, en la matière. Mais ce qui est beau de voir, c'est la persévérance qu'a fait preuve Jean Cazot en dépit d'une population qui, à la base, n'était pas nécessairement ouverte là, à entendre parler d'ufologie ou de métaphysique. Et je trouve ça admirable. Puis c'est sûr que je voulais prendre un instant aujourd'hui pour souligner sa contribution. Et ce que je trouve intéressant, c'est que de son vivant, sa contribution, justement, a été reconnue à travers cet hommage public qui a été fait lors de l'automne 2019. Donc, autrement dit, les gens qui ont pu bénéficier de ses propos à travers ses émissions, ses livres, bien, ça a été l'occasion à quelque part, qu'il y ait un retour d'ascenseur, c'est-à-dire qu'une reconnaissance du public pour sa contribution. Donc, en termes d'écrit, en matière, entre autres, d'ufologie, de métaphysique et de communication publique. Donc, bon, une partie de mon message, ben, c'est de témoigner, c'est sûr, mon appréciation en particulier pour Jean Cazot. Mais le fait de voir qu'il y a eu un hommage qui a été fait à lui m'a donné le goût aussi de rendre hommage à d'autres individus que je trouve inspirants dans le domaine de la conscience. Donc, c'est sûr que si du jour au lendemain, je devais mourir, je voulais prendre un instant pour remercier les gens qui m'auront, entre autres, inspiré à produire des enregistrements sur Internet, à écrire des textes, puis à manifester, même si le sujet de la conscience est encore aujourd'hui marginal. Donc, il y a des individus, c'est sûr, qui ont fait preuve de beaucoup de persévérance. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie en particulier chez les gens. Il y a entre autres, c'est sûr, Richard Glenn, là, depuis plus de 40 ans, anime l'émission Ésotériste expérimentale. Il a la capacité de présenter les choses avec clarté, simplicité. Et aussi, ce que j'apprécie de lui, c'est qu'il ne va pas parler en mal des autres, il ne va pas faire de la médisance. Puis, il y a un grand respect aussi pour les gens qui ont vécu des contacts avec le phénomène extraterrestre ou des expériences paranormales. Donc, au niveau éthique, à ce sujet-là, je trouve ça extrêmement intéressant. Et ben, c'est sûr qu'il y a aussi Bernard de Montréal, hein, qui, pendant plus de 25 ans, a donné des conférences au Québec pour véhiculer la conscience supramentale. Donc ça a été une inspiration aussi majeure pour moi. Donc de voir quelqu'un qui est capable de canaliser du nouveau matériel, qui est capable de manifester son individualité et être porteur d'une vibration nouvelle, je trouve ça extrêmement stimulant. Ensuite, il y a eu également comme source d'inspiration André Moreau, le philosophe jovialiste, donc qui fait toujours des conférences. Encore une fois, c'est quelqu'un d'autre qui est aussi persévérant. Donc, même s'il est rendu à l'âge de 60 et 18 ans, parce que j'ai 40 ans de différence avec lui, en ayant 38, il continue toujours. Et c'est sûr que ce qui est intéressant là, par rapport à lui, c'est que de son vivant, eh bien, il y a eu de la reconnaissance de la part de son public, dans le sens qu'il y a eu la sortie du livre qui s'intitule L'épopée jovialiste, qui va lui rendre hommage à sa philosophie, où de ses amis ont pris la parole pour prêter témoignage avec des anecdotes, ils ont relaté aussi des expériences en relation, c'est sûr, avec l'enseignement jovialiste. Ensuite, il y a aussi également Marc de la Salle, par rapport à son impeccabilité à travers ses enregistrements qui sont constants pour véhiculer une vibration supramentale, parce que il est capable de manifester puis de persévérer dans le temps, puis c'est pas nécessairement évident. Dans le domaine de la conscience, la vente présentement, au moment où je vous parle, la vente de livres dans le domaine de la conscience, c'est pas quelque chose d'extrêmement payant. Les gens vivent rarement ou difficilement de ça. Donc, de voir des gens qui persévèrent, c'est intéressant. C'est sûr que Marc de la Salle, je l'ai interviewé d'ailleurs à plusieurs reprises. Vous allez retrouver de ses enregistrements là, sur ma chaîne YouTube. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vise à véhiculer une vibration supramentale avec constance. Sinon, également, je vise à rendre hommage aussi à Daniel Ménard qui a été l'intervieweur de Bernard de Montréal pendant plusieurs années. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de l'interviewer à quelques reprises. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ses entretiens là, sur ma chaîne YouTube. Donc, qu'il est décédé aujourd'hui, c'est sûr que en tant qu'ego, je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'ait pas eu la chance de son vivant, à ma connaissance, d'avoir une activité hommage comme a connu Jean Cazot de son vivant récemment. Donc, c'est sûr que ça aurait été bien aussi par rapport à lui. Ben sinon, les autres personnes que je veux rendre hommage, ben, il y a entre autres le Doc Mayou dans le domaine de la psychologie. Doc Mayou, je l'ai écouté pendant plusieurs années. Il ne touche pas à la métaphysique, à la différence des autres personnes que j'ai abordées. Par contre, le Doc Mayou, c'est quelqu'un de par ses propos, qui véhicule une vibration quand même, qui prépare le terrain pour autre chose, dans le sens que c'est un individu qui est contestataire, qui est pour la laïcité, du Québec, qui a de l'esprit critique, qui a le sens de l'humour aussi. puis qui amène aussi des prises de conscience à travers ses propos. Donc, j'apprécie également beaucoup. Je l'ai d'ailleurs rencontré en personne à un salon, une activité de salon du livre qui a eu cours dans la ville de Québec quelques années. Et j'ai pris un moment pour aller lui parler et le remercier. J'ai expliqué que lorsque j'étais jeune, mon père était décédé jeune, j'avais 17 ans, et puis d'avoir écouté ses émissions, alors que c'est un adulte qui était un peu plus âgé que moi, ça m'a apporté une forme de soutien, de bénéficier de ses enregistrements. Donc, étant orphelin de père, j'ai témoigné ma gratitude, il m'a écouté dans un esprit d'ouverture, et puis ça m'a apporté beaucoup de satisfaction personnelle d'avoir pu dire ça à lui de mon vivant. C'est sûr qu'il y a d'autres personnes aussi dans le domaine de la conscience que j'apprécie beaucoup. Il y a entre autres Berthold, avec lequel j'ai réalisé plusieurs entretiens. Donc j'ai de la gratitude aussi envers lui. Et c'est sûr qu'en passant, par rapport à Berthold, son livre, en fait, il finit d'être écrit. Donc, il y a Issiar Perrin qui a complété les transcriptions. Donc, ça a donné place à un document d'environ 300 pages avec introduction. Il y a différentes sections. Et là, le livre est entre ses mains. C'est-à-dire que Berthold est en train présentement de procéder à la relecture des transcriptions qui ont été faites par Issia. Et par la suite, il est censé communiquer avec moi. Et lorsque tout est correct pour lui, je diffuse le livre sur mon blog. Donc, dossier à suivre. Mais c'était juste pour dire aux gens qui ont écouté ces entretiens au fil des années, que le projet de livre n'est pas tombé dans l'oubli. Il est toujours en cours. Et c'est sûr que beaucoup de personnes, après qu'il a arrêté ses activités, m'ont écrit. Berthold, c'est sûr qu'il y a des gens qui je pense entre autres à une personne qui m'a demandé récemment, « Vas-tu faire d'autres entrevues avec Berthold? » Il avait l'air à s'ennuyer. Ça faisait un bout de temps que j'ai pas fait d'entrevue. Eh bien, la balle est dans son camp. En fait, par rapport à Berthold, c'est-à-dire que s'il a envie de refaire des entrevues avec moi, de mon côté, la porte est ouverte. Il a juste à me faire signe. Et c'est comme ça. Moi, je peux pas forcer les choses non plus. C'est ça pour ce qui est de lui. C'est sûr qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver dans le temps. Il a cessé ses activités, mais moi, j'ai l'intuition qu'à un moment donné, il sera mis en vibration pour sortir public et refaire d'autres activités de communication un petit peu plus tard. On verra. C'est sûr qu'il est encore jeune, hein? Il est dans la trentaine. Donc, il reste encore du temps. Ça, c'est mon intuition. On verra. Qu'est-ce qui arrivera? Sinon, il y en a d'autres individus. Il y a entre autres Mario Beauregard dans le domaine des neurosciences qui vise à présenter un paradigme post-matérialiste. Donc, qui ouvre les horizons sur autre chose. Et l'idée de tout ça, c'est de sortir du réductionnisme associé à la matière pour être capable de prendre en considération d'autres types de réalités que seulement celles physiques. Donc, c'est sûr que c'est intéressant la nature de ces recherches, entre autres dans l'optique de démontrer que l'être humain n'est pas juste un corps physique. Il y a une dimension également psychique qui est au-delà de ça. Et c'est sûr qu'il y a également d'autres individus, là, bien entendu, auxquels je rends hommage. Il y a plusieurs personnes que j'ai interviewées au fil du temps, que j'ai rencontrées en conférence, auxquelles j'ai assisté, que j'ai interviewées. Mais aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur ces individus que j'ai énumérés et dont vous pouvez retrouver des enregistrements en tapant leur nom là, sur YouTube ou Google. Donc, c'est sûr que l'éveil de la conscience et cette discussion ne fait que commencer. C'est sûr que moi, personnellement, j'ai été mis en vibration au fil du temps pour m'intéresser à des communicateurs dans le domaine de la conscience. C'est sûr que dans le fond, je me sens interpellé aussi pour diffuser des choses à travers ma chaîne. Moi, je vis au Québec. C'est sûr que les individus que je vous ai parlé, ils sont d'origine québécoise, mais il y en a d'autres aussi dans le monde. En fait, la conscience, c'est un phénomène mondial. Il y en a dans d'autres pays aussi. C'est sûr que l'objet de mon enregistrement, c'est de rendre hommage maintenant dans un esprit de gratitude, d'appréciation aux individus qui, un peu partout dans le monde, participent à l'émergence d'une conscience nouvelle. C'est sûr qu'aujourd'hui, bon, je me suis attardé principalement à des Québécois. Il y en a plusieurs parmi eux que j'ai déjà rencontrés. C'est sûr que je vis au Québec. Le Québec, bien, c'est un lieu de rendez-vous, entre autres, pour des gens de vivre la fusion avec l'esprit de leur vivant et aussi le lieu d'où partira un mouvement de conscience nouveau, une civilisation nouvelle aussi en relation avec ça, qui favorisera la restauration planétaire. C'est sûr que l'un des volets intéressants à aborder, en lien avec la diffusion d'une conscience nouvelle, c'est que présentement, il y a des individus qui ont un mandat. Un mandat au niveau psychique, pour favoriser l'éveil du collectif. Puis il y a plusieurs raisons par rapport à ça. C'est-à-dire, entre autres, ben, c'est sûr qu'il y a des problèmes actuellement là, de pollution. Il y a des problèmes aussi de pauvreté extrêmement criants à la surface de la Terre. Il y a des problèmes de différentes natures. Il y a beaucoup de guerres dans le passé. Tranquillement, la situation politique se stabilise avec le temps. Mais il y a une réorganisation qui doit se faire de la Terre pour que les habitants de cette planète en viennent à être considérés comme étant une civilisation par des êtres du cosmos. C'est sûr que derrière la diffusion d'informations en relation avec la conscience, il y a certaines personnes qui ont un mandat karmique en relation avec ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont vécu dans une civilisation ancienne et disparue qui s'appelle l'Atlantide, qui ont participé dans le passé à la destruction de cette dernière et qui, pour rééquilibrer la situation, doivent se réincarner à l'époque présente pour favoriser l'émergence d'une nouvelle société. Et en même temps, s'éveiller en même temps que participer implicitement à l'éveil du collectif. C'est ça qui est intéressant à voir. Au niveau occulte, ce qu'il faut comprendre, c'est que des personnes qui, dans le passé, ont été des influenceurs, aujourd'hui, on a des influenceurs sur les réseaux sociaux, sur Internet, on a des leaders d'opinion. Puis autrefois, c'était la même chose. Sauf que là, l'influence visera non pas à développer un ego hypertrophié, mais à favoriser l'intégration d'une conscience nouvelle pour restaurer la Terre suite à la déchéance qu'elle a connue. Dans le passé, des individus en position de pouvoir, notamment en Atlantide, ont amené la fin de la civilisation pour des raisons d'ego, d'orgueil. Et ces êtres-là, aujourd'hui, ce qu'ils doivent faire, c'est d'être capables de dépasser l'ego sous influence astrale, sous l'influence d'un corps de désir exacerbé, pour éventuellement rendre l'ego transparent et en venir à être ajusté à la vibration et l'intelligence de l'esprit, qui va amener ces personnes-là à véhiculer des idées et à poser des actions qui vont favoriser l'émergence d'une nouvelle gouvernance sur Terre. C'est sûr que Bernard de Montréal parlait de la régence planétaire. Moi, j'ose parler de gouvernement supramental, donc d'un gouvernement qui va être dirigé par des individus qui ont fait un travail d'épuration psychique sur une base personnelle et qui également pourront participer, favoriser l'émergence de ce type de gouvernance à l'échelle de la Terre et aussi accompagner les individus qui sont concernés par le vécu d'un éveil individuel, donc qui ont aussi à faire ce travail de devenir plus transparent dans leur ego, moins orgueilleux, moins dans le désir de dominer. Donc, pour que ce soit des êtres de plus en plus équilibrés qui peuplent la surface de notre planète. Donc, c'est sûr que par rapport au mandat karmique, l'objet de l'enregistrement aujourd'hui, c'est pas de dire « Ah, ben telle personne a un karma, telle autre non. » Donc, le propos est tenu ici parce que au niveau occulte, je sais que précisément qu'il y a plusieurs personnes qui ont été impliquées dans la déchéance de la civilisation de l'Atlantide, qui se sont réincarnées spécifiquement à cette époque au Québec pour rééquilibrer la situation. Autrement dit, les êtres qui, dans le passé, ont participé à un déclin sont appelés, pour des raisons d'équilibrage énergétique, à participer à la restauration de l'humanité. Et c'est à travers, entre autres, de véhiculer des informations liées à l'éveil de la conscience. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que quelqu'un véhicule des informations liées à l'éveil de la conscience qui sont nécessairement concernés par ce mandat-là. Il faut pas mettre les gens dans tout le même panier. Donc, il y a des nuances aussi à faire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui s'opère et il y a des gens qui sont, en fait, contactés par d'autres êtres que ceux physiques. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont parler d'êtres extraterrestres, d'êtres extradimensionnels, d'esprit, de différents vocables pour décrire ces êtres-là. Mais pour résumer, en fait, c'est qu'il y a un groupe de personnes sur le plan physique qui ont pour mandat de participer au rehaussement du taux vibratoire de la conscience collective sur Terre en s'y exprimant. Mais en même temps, simultanément, il y a un autre groupe d'êtres qui, au niveau invisible, occulte, a pour mandat de donner une assistance psychique à ces individus sur Terre pour l'actualisation de leur travail. Donc, puis, il y a une relation entre les deux. Parce que les êtres humains qui sont mandatés pour participer à l'éveil du collectif, eh bien, sont branchés à une conscience au niveau de l'esprit, qui va œuvrer dans ce sens-là. C'est sûr qu'il y a un groupe présentement particulier de gens qui ont vécu à l'Atlantide où il y a eu le déclin de leur civilisation qui ont un mandat de restauration pour faire quoi par la suite? Pour être libre de la Terre et retrouver la capacité de voyager librement dans le cosmos. Autrement dit, c'est l'attachement karmique qui empêche à ces individus d'être capable de quitter l'éther de la Terre et de vivre librement dans le cosmos. Donc, autrement dit, tant que les énergies ne sont pas balancées entre eux et le collectif de l'humanité actuelle, ils ne peuvent pas quitter la Terre. Ce qui veut dire qu'il y a une réparation qui est faite et lorsque le rééquilibrage est fait, ces êtres-là peuvent voyager dans le cosmos. Et ça, c'est un volet. Il y a d'autres volets aussi. Là, c'est plus complexe que ça. Il y a beaucoup de destinées qui sont interreliées. Mais pour en revenir à Jean Cazot, parce que c'est lui qui m'a inspiré à produire l'enregistrement aujourd'hui, c'est qu'il faisait mention, en fait, dans l'enregistrement dont Richard Glenn a fait un montage à travers son émission d'ésotérisme expérimental où il lui rend hommage. Donc, Jean Cazot disait que le nombre de personnes augmente sur la Terre et qu'en relation avec ça, la quantité de gens qui vivent de la pauvreté augmente aussi simultanément. Donc, on nous présentait ce constat-là. Et c'est sûr que c'est un constat qui est lourd. C'est sûr qu'à quelque part, ça nous invite au changement. Il y aura une meilleure répartition de la richesse sur Terre, un plus grand respect aussi de l'environnement associé au problème de pollution. Ensuite, l'éradication des guerres. Il y a plein de choses à faire. Et les êtres humains nouveaux auront pour mandat de participer à établir un ordre nouveau sur la Terre dans le respect de l'individu, de l'environnement. Et c'est une restructuration. On a des restructurations des fois qu'on connaît avec des entreprises industrielles, mais c'est le même principe. La Terre doit être restructurée, restaurée pour que l'humanité atteigne le statut de civilisation. Donc, Jean Cageot disait que l'humanité n'est pas considérée par les autres êtres comme étant une civilisation. Et je suis d'accord avec lui parce que pour que l'humanité soit une civilisation, eh bien, à ce moment-là, les problèmes, que ce soit la guerre, la pauvreté, problèmes de pollution, devraient être neutralisés. Une civilisation, c'est en relation avec un peuple qui a une capacité de pérennité dans le temps. Autrement dit, son mode de fonctionnement est viable. Et pour que l'humanité devienne une civilisation, ça veut dire que chaque personne aurait accès aux ressources nécessaires pour être capable de fonctionner, s'alimenter adéquatement, avoir accès à l'eau potable, à la nourriture, à l'éducation, et aussi, ça c'est un autre élément, à une conscience qui est libre de l'influence astrale, une conscience qui permet à l'individu d'accéder au savoir, d'être branché au réel, une conscience de nature multidimensionnelle, une conscience qui permet à l'être humain de témoigner de l'amour à d'autres êtres humains dans un esprit fraternel. Donc, une conscience qui témoigne de la manifestation du principe de l'amour de l'humain pour l'humain. C'est-à-dire une conscience qui permet à l'individu de sortir de l'esprit de compétition. Dans le domaine de la compétition, dans le domaine de la communication, pardon, il y a souvent de la compétition. Donc, c'est qui l'animateur vedette? C'est qui le meilleur conférencier dans la conscience? C'est qui? C'est qui? Il faut sortir de ça. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai choisi de rendre hommage à des individus significatifs. Parce qu'après tout, pour moi, l'important, c'est pas d'être tout seul dans mon coin puis de diffuser des choses. C'est être capable de reconnaître ce que d'autres personnes ont fait. Puis, je fais ça parce que ça m'apporte beaucoup de satisfaction personnelle. C'est-à-dire que d'être capable de mon vivant, de dire à Jean Cageot, à d'autres personnes aussi, que j'apprécie le travail que vous faites. Je trouve ça intéressant. Et aussi, ce que je capte, c'est que il y a des êtres dans l'invisible qui ont pour mandat de diffuser des informations sur Terre pour rehausser le taux vibratoire du collectif, qui sont très satisfaits du travail qui se fait présentement au Québec, puis dans d'autres endroits dans le monde. Tranquillement, l'information se diffuse et c'est très beau à voir, très beau à observer. Donc, c'est sûr que par rapport au problème de pollution, aujourd'hui, j'ai écouté un documentaire sur le plastique, hein, qui fait beaucoup de pollution avec le temps. Il y a plusieurs choses à régler, que ce soit la pollution de l'air, de l'eau, etc. Mais ce que je peux vous dire, puis de ce que je canalise au niveau de l'esprit, c'est que les plans de la lumière vont mettre en place des événements, des situations pour faire en sorte qu'éventuellement toute l'humanité sera éveillée. Donc, faut pas se décourager par rapport au problème de surpopulation, de pauvreté qu'il y a sur la Terre. Les plans de la lumière, ce qui me vient en tête, c'est qu'ils vont œuvrer pour restaurer l'ordre. Puis, les êtres humains qui seront en corrélation avec les plans de la lumière, les contacter, les fusionner, auront accès à de l'information pour participer à la restauration totale de l'humanité. Que ce soit en termes d'invention, de créativité, de psychologie nouvelle. Et ce que je capte aussi, c'est que des êtres qui ont beaucoup d'amour pour l'humanité, à la fois des êtres sur le plan éthérique que sur le plan physique, qui ont à cœur l'actualisation du projet humain et la restauration de la Terre, pour que la Terre soit un lieu où il fait bon vivre. Un lieu où l'être humain pourra vivre son plein potentiel, s'exprimer totalement, se sentir totalement respecté dans son individualité. Donc, puis là, c'est sûr qu'en lien avec ça, ben, les artisans de la conscience nouvelle sont en train de d'amener des idées nouvelles, puis c'est sûr que ça a des implications concrètes, ça amène des gens à changer leur vie. Et c'est pas fini, ça fait que commencer. C'est sûr que depuis tantôt, je parle beaucoup du Québec, mais ce qu'il faut comprendre, le Québec, c'est que c'est un point de rendez-vous. Donc, autrement dit, il y a des esprits qui se sont donné un rendez-vous. Ben, sur le plan humain, on peut se donner un rendez-vous pour, par exemple, assister à une conférence. On dit c'est à tel endroit, à telle heure, si vous êtes intéressé. Bon, ben c'est la même chose. Le Québec, c'est ça. Le Québec, dans le fond, c'est un lieu où des esprits qui sont mandatés pour instaurer un ordre nouveau en particulier s'y incarnent et réincarnent. Donc, c'est un lieu pour consolider un premier embryon de civilisation nouvelle en relation avec une conscience qui va amener des changements. Donc, il y a des êtres qui, avant de s'incarner, se sont donnés comme point de rencontre le Québec, et puis là, ils se découvrent. Et puis, ça donne place à des amitiés, ça donne place à des entrevues, naturellement, à différentes choses. Puis, il y en a d'autres aussi ailleurs, mais le foyer de rayonnement de la conscience nouvelle a été déterminé au Québec. Puis, par la suite, ben, ça va se diffuser un peu partout. C'est sûr que Internet facilite ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont écouter des enregistrements en lien avec la conscience, que ce soit en France, en Belgique. Et ce qui m'est venu en passant concernant la France, ça me dit intérieurement que par rapport à la France, parce qu'au Québec, on parle français comme les gens en France, puis en France, ben, c'est ça, c'est essentiellement des francophones, c'est que en Europe, le fait que la France est en contact avec différents pays, c'est-à-dire que d'un côté de la frontière de la France, il y a l'Espagne. Ensuite, il y a également l'Allemagne. Donc, la France est proche de plusieurs pays d'Europe et sa situation géographique est extrêmement intéressante en termes de diffusion d'idées. Donc, il y a des gens en France qui vont aller en Angleterre, qui est située au nord de la France. Au sud, on va avoir, entre autres, l'Italie. Il y a la Belgique aussi, il y a le Luxembourg, donc il y a plusieurs pays. Ce qui fait que lorsque les idées en français sont véhiculées en France, ben, il y a des gens qui vont parler, ils peuvent parler deux ou trois langues. Donc la personne qui est proche de la frontière allemande, qui parle français et également allemand, à un moment donné, elle va probablement discuter de conscience avec des gens en allemand. Et ainsi de suite, ça va diffuser. Ensuite, La personne qui est proche de l'Italie, même chose. La personne qui est proche de l'Espagne, même chose. Donc, tranquillement, ça va diffuser. Puis, si une personne qui parle espagnol en Espagne discute avec une autre personne en Amérique du Sud qui parle également espagnol, bon, ben la diffusion de l'idée va se faire. Puis, de l'instruction supramentale aussi. Donc, ça se diffuse. Un peu comme un virus dont la souche la plus virulente était au Québec. Donc, oui, on peut dire ça dans un sens. Sauf qu'au lieu d'être un virus qui entraîne de la mortalité, c'est que ça entraîne un changement de taux vibratoire. Ce qui n'est pas pareil. Mais c'est sûr que ce qu'il faut dire aussi, c'est que la conscience, je parle depuis tantôt du Québec, puis de certains Québécois qui favorisent l'émergence de la conscience, mais en réalité, l'esprit peut être canalisé partout dans le monde. Ce que je veux dire par là ici, c'est que le Québec, c'est un lieu qui, en particulier, qui est propice par rapport à ça. C'est un peuple qui est jeune, un peu comme un jeune enfant, bien, il est ouvert aux idées nouvelles, à différence de civilisations millénaires qui peuvent être plus susceptibles d'être fermées. Par contre, ce qu'il faut réaliser, puis le Québec aussi, c'est un point de rendez-vous, mais l'esprit peut être canalisé partout, là, que ce soit en France, en Autriche, un peu partout dans le monde. C'est sûr que si la personne veut canaliser un esprit nouveau, la personne est dans une ville, puis c'est très tendu, il y a beaucoup d'entités, il y a beaucoup de lieux hantés, L'astral est très présent. Elle va être exposée à plus d'opposition. C'est clair là, que si la personne est tranquille à la campagne, dans un vaste territoire, ça c'est sûr. Mais c'est pas impossible. Si la personne a la volonté, puis est capable de monter en vibration, s'allumer intérieurement, puis connaître un allumage psychique, qu'elle soit en zone urbaine, densément peuplée, ou à la campagne, ça peut se faire, mais ça va lui demander sans doute plus d'énergie pour se maintenir dans une vibration qui est haute, parce que les gens qu'elle va rencontrer peuvent faire obstacle à ça. C'est sûr que si au Québec, il y a des gens sur la même longueur d'onde qui ont un mandat à exécuter ensemble, la collaboration, entre autres, dans le cadre d'activités de communication, c'est plus facile à ce moment-là de s'entraider dans une optique de favoriser le rehaussement du taux vibratoire que si la personne est au milieu d'autres individus qui sont totalement adverses ou fermés à ça. Ça, c'est clair. Par contre, il y a une question de destinée. C'est sûr que si une personne est interpellée par la vibration du Québec, elle peut émigrer ici. Je veux dire, il y a ça aussi qui peut arriver. C'est sûr que dans un sens, je suis privilégié parce que moi, je suis né au Québec et j'ai pas à changer d'endroit et je l'apprécie. C'est sûr que j'écoutais récemment, je parlais de ça à ma compagne, un documentaire sur YouTube où il était question qu'en Iran, présentement, donc en 2019, les femmes doivent être voilées et les gens n'ont pas le droit de danser en public. Et si les femmes sont pas voilées ou des gens qui dansent en public, ils peuvent être arrêtés là, puis réprimandés par l'État iranien là. Donc c'est très différent d'ici au Québec où il est possible pour les gens de danser en public. Les femmes sont dévoilées. Puis même notre État a une politique de laïcité qui fait en sorte que les gens qui portent le visage voilé ne peuvent pas être en position d'autorité. Donc, avoir des postes de juges, des postes de policiers et d'enseignants. Donc, vous voyez la différence là entre les deux. Puis c'est sûr que dans le documentaire, il était question de jeunes. Puis je pourrais mettre le lien en bas de l'enregistrement présent, naturellement, pour celles et ceux que ça intéresse. Il était question de jeunes iraniens qui avaient reproduit un vidéoclip par rapport à la chanson « Happy ». Puis là, c'était une belle chanson en anglais. Et là, on voyait des femmes qui étaient dévoilées, des jeunes filles qui dansaient. Puis suite à ça, ça a été publié sur Internet. Puis là, ces gens-là, la police a été après eux autres, ces jeunes Iraniens-là, pour les arrêter. Donc, ils n'ont pas la même liberté d'expression qu'on peut avoir ici, là. Puis ces gens-là ne parlent pas d'être en contact avec des extraterrestres ou l'esprit ou des entités. Et on n'est pas là. Donc, juste que des femmes se mettent à danser sans porter le voile, c'est très mal vu. Je ne sais pas si ces gens-là parleraient de contact psychique avec des êtres dans une réalité parallèle, comment que ça serait pris. Mais tout ça pour vous dire qu'au Québec, on est privilégié. Dans les pays occidentaux aussi, là, dans une certaine mesure. Et c'est ça. Je me suis écarté un peu là, en fait d'enregistrement. Mais je voulais rendre hommage là, fondamentalement aujourd'hui aux gens qui œuvrent sur une longue période de temps dans le domaine de la conscience, qui trouvent ça dur, qui connaissent des oppositions, de l'adversité, des moqueries, des gens qui veulent les dénigrer, les insulter. Mais il faut pas se décourager. Les choses sont en train de changer progressivement. Entre autres, dans le domaine scientifique, les gens sont de plus en plus ouverts à l'idée qu'il existe de la vie extraterrestre au fur et à mesure que des exoplanètes sont découvertes. Donc, tranquillement, les choses sont en train de changer. Et c'est sûr que c'est important de persévérer, de continuer à diffuser de l'information. Donc, récemment, il y a une personne qui m'écrivait sur Facebook parce que il va y avoir une conférence qui va avoir cours le 27 décembre à Québec, dans la ville de Québec, du même nom de la province, située au Canada, avec Jean-Luc. Puis là, il y a une personne qui aurait aimé qu'il y ait une conférence de Jean-Luc en Suisse. eh bien, à cette personne-là, c'est sûr que ça peut être intéressant qu'il y ait des gens qui parlent de conscience en Suisse, puis dans les différents pays. Mais ce qui peut être bien, c'est que si la personne a envie de se manifester puis d'initier un mouvement, je l'encourage à le faire. Donc, si la personne a le goût d'entendre parler de conscience, pourquoi pas se donner ce qu'on a envie d'entendre, répondre à son besoin? Si la personne a la vibration d'être en contact avec d'autres personnes, pourquoi pas initier un mouvement en ce sens? Donc, sinon, il y avait une autre personne qui voulait rencontrer des gens à Québec. Ben, elle peut initier une rencontre. Il y a le site, entre autres, BDM International, où les gens peuvent annoncer des activités. Donc, moi-même, j'ai annoncé la conférence avec Jean-Luc sur cet espace-là sur Facebook. Donc, les gens qui sont sur Facebook peuvent aller là. Osez manifester ce que vous voulez voir. Moi, aujourd'hui, j'avais le goût d'entendre un hommage à des individus qui œuvrent dans le domaine de la conscience. Après avoir entendu le bel hommage qu'a fait, entre autres, Richard Glenn à Jean Cazot, dans le cadre de son démission des autoristes expérimentales qui a été diffusée récemment, ben moi, ça m'a donné le goût, fait que j'ose de mettre en action dans ce sens-là. C'est comme un peu, il y a quelques mois, il y avait des personnes qui m'avaient approché pour que je recueille des témoignages en lien avec Daniel Kemp, qui a œuvré dans le domaine de la conscience supramentale au Québec, parce que j'avais recueilli des témoignages sur Bernard de Montréal. D'ailleurs, vous pouvez retrouver plusieurs entretiens là où les questions de lui sur ma chaîne YouTube. J'avais dit à ces gens-là, présentement, bon, j'ai pas la vibration de faire ça, mais si vous l'avez puis vous voulez vraiment entendre ça, agissez maintenant. Les gens qui ont connu Daniel Kemp sont pas éternels. Donc, il faut agir maintenant. Moi, j'ai agi pour reculer les témoignages de Bernard de Montréal parce qu'il y en a qui avancent en âge, il y en a qui ont passé 70 ans. Puis je suis content de l'avoir fait, ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Mais aussi, agissez, vous voulez entendre parler d'une conférence de conscience qui est une activité de souper-rencontre, pourquoi pas vous manifester? Moi, je trouve ça intéressant, les gens qui se manifestent. Moi, je me suis manifesté à mon niveau. C'est-à-dire que j'ai fait au-dessus de 400 enregistrements qui sont disponibles gratuitement sur YouTube ou les questions de conscience. Donc, j'avais le goût d'entendre parler de conscience et en faisant ça, ben, j'ai répondu à mon besoin. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la capacité individuelle de se manifester, de s'exprimer. Et c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse, et en particulier parce que la plupart des individus auxquels je rends hommage, ben, comme Jean Cazot, il parle de l'esprit, Bernard de Montréal parle de conscience supramentale, André Moreau parle de l'être. Donc, ils font référence, puis il y en a d'autres aussi qui vont parler de concepts similaires, à une dimension de nous-mêmes qui est au-delà du physique. Puis c'est de prendre ça en considération, de vivre la vie avec son esprit au lieu de regarder les choses juste au niveau de l'ego, de la personnalité. Donc, si on veut qu'il y ait quelque chose de différent qui arrive dans notre vie, il faut agir différemment. C'est sûr qu'il y a des raisons de destinée aussi derrière ça, dans le sens qu'il y a des êtres qui, dans l'invisible, tirent les ficelles pour qu'il y ait des synchronicités qui arrivent, des rencontres. Mais encore faut-il que l'individu qui est mis en vibration par l'invisible agisse en conséquence. Et ça peut être à travers des grandes choses ou des petites choses, comme par exemple assister à une conférence ou acheter un enregistrement. Donc, j'ai déjà acheté des enregistrements de Daniel Ménard. Ensuite, j'ai déjà été à des conférences de Marc de la Salle, Jean Cazot, également Richard Glenn, André Moreau aussi. Donc, à ma façon, je les ai soutenus dans un mouvement en lien avec la conscience. L'important, c'est de soutenir les initiatives qu'on apprécie, qui nous inspirent, qui nous motivent à aller plus loin, à se développer, à prendre de l'expansion et à être nous-mêmes d'une manière intégrale. Donc, c'est sur ces propos que je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée.